Je suis en train de me raser. Hein? Ah, Squatriglia. Bon, comment? Non, je me disais à moi-même, je suis là à me raser. Oui, faites monter, oui. Qui a-t-il dit? Ah, Squatriglia. Il me semble qu'il est commandeur. Entrez! Mon très cher Tchétché. Ah, c'est toi. Excuse-moi, assieds-toi, mon commandeur. Tu vois, je me rase. Ah ben, si je dérange... Oh, non, mais non, avec toi, pas de cérémonie, je continue à me raser. Voilà, la porte est ouverte, tu peux parler, tu peux même entrer si tu veux. Oh non, merci, ne te dérange pas et ne te presse pas, j'attends. Ah, j'en ai pour 5 minutes, pas plus. Tu me dis rien? Rase-toi sans t'occuper de moi. Je suis en train de regarder un petit conte. Ah, sapristi, si je ne m'en vais pas vite. Tchétché, il faut que je m'en aille tout de suite, tu sais. Je suis venu te saluer et te remercier. Je m'en vais à 11h. Tu t'en vas si vite? Tu as tout débrouillé maintenant? Oui, grâce à toi. À moi, que veux-tu dire? Ah oui, sans toi, tu imagines que j'aurais trouvé si vite le chemin de son excellence? C'est moi qui t'ai fait trouver le chemin? Et comment? Tu l'as déjà oublié. De quelle excellence parles-tu? Oh, avec quelle excellence veux-tu qu'ait à parler un pauvre entrepreneur de travaux publics comme moi? Farceur. Tu fais semblant de confondre parce que tu les connais toutes. Moi, je les connais toutes. Ah non, tu n'es pas fâché. Mais non, je ne suis pas fâché. Mais je te jure que moi, je ne connais personne. Personne, tu comprends? Prends garde. J'y pensais tout en me rasant. Que c'est une drôle de destinée que la mienne. Hein? Tché, tché. Tché, tché. Tché, tout le monde m'appelle tché, tché. 100 000 m'appellent tché, tché à Milan, à Turin, à Venise, à Gênes, Bologne, Florence... À Rome, à Naples, à Palerme, tout le monde. Et pardi, connu universellement. Oui, mais connu de tous. Dis-moi un peu, qui puis-je véritablement connaître, moi? Tu ris. Enfin, et pourtant, mon cher, si j'y pense, je deviens fou. N'est-ce pas une torture de se savoir éparpillé à 100 000 exemplaires, connu de 100 000 individus qui te connaissent et que tu ne connais pas, qui savent tout de toi et dont tu ne connais même pas le nom? À qui il te faut sourire, taper sur l'épaule, dire « mon cher, mon très cher ami », en demeurant toujours entre deux airs, sans trop le paraître, en faisant semblant de se souvenir, de s'intéresser. Et en toi-même, tu te demandes « mais qui peut-il bien être? Comment me connaît-il? Qui suis-je pour lui ?» Car enfin, tu voudras bien m'accorder que nous ne sommes pas toujours pareils. Selon les humeurs, les moments, les relations, nous sommes tantôt d'une manière, tantôt de l'autre, joyeux avec l'un, triste avec l'autre, gras avec celui-ci, facétieux avec celui-là. Il s'approche, il m'appelle Tché-Tché. Va donc te rappeler ce que tu représentes pour l'un ou pour l'autre. S'il te connaît comme ci ou comme ça. Tu en vois qu'il te regarde bouche bée. Je ne veux pas leur crier. Pardon, minute, vous faites erreur. Je ne dois pas être celui que vous croyez. Je crois être un autre. Quel autre? Comment puis-je le savoir si je vis éparpillé en 100 000? De quoi devenir fou, je t'assume. Il peut même m'arriver. Sapristi. De parler avec une femme qui, elle aussi, m'appelle Tché-Tché, et 5 minutes après, je peux fort bien me mettre à parler d'elle avec son mari et de certaines choses. Tu comprends? Non. Oui, là, tu ris. Ça te fait rire, toi. Non, mais je ris parce que, sérieusement, est-ce que tu sais qui je suis? Toi? Oui, il n'est pas question de toi. Qu'est-ce que tu me racontes? Toi, je te connais. Je connais très bien. Non. Tu dis que non? Mais si, voyons, je te connais. Seulement... Voyons, puisque tu m'y fais penser, je ne sais plus si... Tu vois si j'avais raison. Ah, raison de quoi? Je te connais. Tu as un frère, oui ou non? Ah, oui, Philippe. Oui. Philippe, oui, c'est ça. Qui est le commandeur de vous deux? C'est toi le commandeur? Oui, c'est moi. Alors, est-ce que je ne t'ai pas appelé commandeur? Tu vois bien que je me souviens. Oui. Oui. Philippe. Philippe, lui, c'est l'œil qu'il a. Et toi, le... Non. Lui, c'est lui qui a perdu une main et toi, un œil, oui. une mine qui a explosé. Mais on te l'a bien muré, replâtré, c'est magnifique. Tu sais, tout lisse, tout net, comme si de rien n'était. Tu peux être content. Je me souviens très bien. Je t'ai connu à... Tu n'avais pas l'entreprise d'un port ou de quelque chose de semblable? Mais oui. À Palerme, c'était au moment où l'on a réparé le débarcadère. Oui, c'est ça, voilà, Palerme, le débarcadère. Tu vois bien. Et alors, tu me dis que je t'ai rendu un service? Ah oui, tiens. Ben, j'en suis heureux. Auprès du ministre des Travaux publics, tu dis? Oui. Et d'abord auprès du sous-secrétaire et ensuite du ministre. C'est ça. Ah, d'abord auprès du sous-secrétaire. Mais dis-moi, une de tes journées, ça doit valoir quelque chose, non? Au moins un petit billet de 1000, peut-être plus. Oh, tu comprends, si on s'éloigne dans une entreprise comme la mienne où l'on est entouré de voleurs... Enfin, je t'aurais fait économiser un peu d'argent tout de même. Mais certainement, mon ami. Depuis des jours, on me renvoyait d'Hérode à Pilate. Je ne sais maintenant comment te remercier. Ah, tu es vraiment attristé, pauvre ami. Tu vas t'en repartir avec le chagrin de n'avoir pas su me remercier. Mais franchement, oui, Tché-tché. Oh. Si je pouvais sans façon, enfin, quelques billets... Oh! Par exemple! Commandeur, pour qui me prends-tu? Oh, excuse-moi, je te prie, nous sommes amis, enfin, entre nous, enfin, je te connais assez dissipé, toujours au milieu de 1000 embarras. Oui, c'est vrai, oui. Enfin, pas de cette manière. Le geste que tu viens de faire, commandeur, n'est vraiment pas bien. Ah, bon, entre amis, je croyais que... Ah, mes amis, je les soigne, bien sûr, mais si je leur demande parfois un sacrifice, ce n'est jamais un sacrifice de cet ordre. Voyons. Mais non, bref. Je suis en train de penser au moyen de t'enlever ce chagrin que tu m'as exprimé. Et voilà, je voudrais te faire en échange un grand plaisir. Un de ces plaisirs comme je n'ai pu, moi, jamais en goûter. Mais qui, je l'imagine, doit être supérieur. Celui de dire tout le mal possible et imaginable d'un ami. Derrière son dos, bien entendu. Non? Qu'en penses-tu? Voudrais-tu essayer? Tché, je n'ai pas le temps. Je dois partir à 11h et ma valise n'est pas faite. Tu ne vas pas partir tout de suite? Mais, Tché, si je ne pars pas, ils m'étrangleront là-bas. Tiens, je vais te montrer. Mais voyons, tu es venu pour me remercier? Mais oui. Oui, et tu as dit que tu ne savais pas comment. Maintenant que je te l'indique, comment tu veux t'en aller? Bon, écoute, pourvu que ça aille vite, je veux bien. Mais ça ira très vite. Tu dois partir pour Livourne. Bien, au lieu de prendre le train de 11h, tu prendras celui de 15h. Ah, mais impossible. Ah, tu vas fort, par exemple. Tu viens me dire que je t'ai fait gagner je ne sais combien de jours et tu ne veux pas perdre quelques heures pour moi? Un service en vaut un autre. Plus je te regarde et plus je suis convaincu que tu es l'homme qu'il me faut. Oui, tout y est. L'âge, la taille, l'allure. Ah, c'est l'allure. Et puis vraiment, tu es l'indulgence personnifiée. Pardi, un œil toujours fermé. Mon cher, tu es plein d'esprit, c'est pour ça que je t'aime. Alors, écoute... tu es un ami de papa. De quel papa? De mon papa. Enfin, puisque tu n'en as plus de papa. Oui, tu vois, en ce moment, tu es idiot. Hein? Il faut que tu sois un ami de mon père. Ah. Oui, mon père est dans le commerce. Moi, je suis son associé, mais nous sommes ruinés. Ah. Et nous sommes ruinés par ma faute. Parce que je... moi, je suis... voyons, qu'est-ce que tu aimerais mieux dire que je suis? Hein? Une canaille ou un voyou? Oh, une canaille. Une canaille, parfait. Mais voyou aussi, si tu veux. Hein? Ça sonne bien dans ta bouche. Tu peux dire l'un et l'autre, d'ailleurs. Et aussi... coureur. Coureur, non, ça, ça n'est rien. Non, quelque chose de plus grave. Faussaire, par exemple. Oh, mais non, Mais si! Hein, non, sans façon. Enfin, si faussaire te plaît, tu peux dire faussaire. Enfin, tu peux dire contre moi les choses les plus accablantes, les plus atroces, toutes les infamies qui te passeront par l'esprit. Et ce sera à toi de fixer pour ce plaisir la plus petite somme possible. Enfin, pourquoi? Tu plaisantes ou tu parles sérieusement? Attends, une minute. C'est vrai, je t'ai pas encore expliqué. Oh, mais c'est que je suis pressé. Moi aussi, ça précise presque 10 heures, elle va arriver. Voilà. Ah, en deux mots, de quoi il s'agit? Il y a une quinzaine de jours, je me trouvais comme par hasard au milieu d'une foule d'amis. Tché-tché par-ci, tché-tché par-là, au café du Pincio, à la terrasse. En auto, passe devant nous une de ses filles, d'Ève, mon cher, à se mettre à genoux. Une splendeur. Tché-tché, me disent les camarades, ce morceau-là n'est pas pour toi. N'est pas pour moi. Tu imagines qu'il puisse en exister une qui ne soit pas pour moi? Malheur, ils me crient tous. Eh bien, parions. Si dans 3 jours, je dis, n'est-ce pas? Si dans 3 jours, ici, à cette même heure, je ne vous ai pas donné à tous la preuve indiscutable d'être arrivé à mes fins, je vous offre à dîner à tous. Sinon, c'est vous qui m'invitez. Alors, comme tu l'imagines facilement, 3 jours après, à la même heure, je passais en automobile avec la femme à mes côtés. Et je saluais gracieusement tous mes chers amis qui attendaient à la terrasse du Pincio. Est-ce que tu as bien compris? Ben, mon Dieu, oui. Oui, ben non. Non, tu n'as rien compris. Pour arriver à mes fins, mon cher, je connais tous les trucs. Ce fut relativement facile. Mais une fois arrivé, eh bien, il y a des escaliers plus difficiles à descendre qu'à monter. Celui qui monte bien chargé en redescend allégé. Mais celui qui ne monte pas chargé, mon ami, j'ai passé un sale moment. Enfin, pour en sortir, j'ai commis une sottise dont je m'étais jusqu'ici toujours bien gardé. Je suis arrivé à lui faire accepter, faute d'autre chose, voilà, trois petits chèques de 2000 lires chacun. Ah, bien. Mais tu trouves que ça n'est rien? Et non, mon cher, de ces pigeons-là, en voyage, je n'en veux pas. J'en ai une terreur sacrée. Depuis 4 nuits, je n'endors pas. Il faut absolument que j'aie aujourd'hui même ces 3 chèques. J'ai écrit hier à Nada de me les rapporter. La voilà. Donc, c'est entendu. Mais qu'est-ce qui est entendu, hein? Je dois lui donner 6 000 lires? Mais non, pas 6 000, tu veux rire? Ah. Allez, viens, tiens, réponds-lui, toi. Moi, mais à qui? Mais à Nada, pardi, c'est elle. Mais enfin, tu es fou, moi? Mais tu verras que tu n'en es pas un ogre. Enfin, nous nous sommes entendus, hein? Mais pas 6 000. Mais alors, nous nous sommes entendus sur quoi? Eh bien, tu me couvriras de toutes les abominations, tu me traiteras de canaille, de voyou, tu diras que mon père est au bord de la faillite, mais que les chèques qu'elle a entre les mains ne valent rien, tu les feras rendre, et en échange, tu lui donneras, c'est pas moi, 400-500 lires, pas plus, elle ne vaut pas plus. Allez, viens, prends le téléphone, oh, réponds. Allez, voyons, réponds, allez, vite. Mais absolument pas, ce sont pas des rôles pour moi, moi, avec une femme. Oh, mais quelle femme? Réponds, allô. Voilà, allez, au revoir, hein, je me sauve. Oh. Allô. Bien. Faites monter. Oh, pardi, il est fou. Oh, me voilà pris au piège. Et qu'est-ce que je dois faire? Dire. Quelle histoire, mon Dieu. Entrez. Monsieur Vivoli? Monsieur Vivoli, mademoiselle, monsieur Vivoli n'est pas là. Qui doit répondre au téléphone? Téléphone. Ah, c'est moi qui ai répondu. Non, pardon. Vous êtes bien mademoiselle Nada, n'est-ce pas? Oui, Nada. Ah. Mais vous, comment êtes-vous ici pour m'inviter à monter? Non, moi, oui, enfin, non, c'est-à-dire, voilà, oui, je vais vous expliquer, mademoiselle. Il y a une histoire... Moi, je ne veux rien savoir. Pardon, ici, c'est toujours la chambre de Monsieur Vivoli? Oui, de Monsieur Vivoli. Non, donnez-moi le temps de m'expliquer. J'ai entendu au téléphone une voix de femme. J'ai cru que c'était la mère. La mère? Quelle mère, votre mère? Mais non, voyons. Oh, ça m'étonnait aussi que vous ayez confondu ma voix avec celle de votre mère. Ah, mais laissez ma mère, je vous prie. Elle n'a que faire ici, grâce à Dieu. Elle est depuis longtemps au paradis. Non, excusez si je me suis un peu fâché. Je parlais de sa mère à lui. À Tchétché? Ici? Oui, à Tchétché. Oui, je vais vous expliquer. Mais monsieur Vivoli... Non, mais je vous explique. Je suis un ami. De Tchétché? Non, c'est-à-dire, oui, de Tchétché aussi, mais surtout de son père. Que Dieu le garde, bien qu'il ne soit pas mort. Oui, il n'est que trop vivant, malheureusement. Je dis malheureusement parce qu'il ne vit que pour souffrir. Si vous saviez, mademoiselle, rien que des peines pour lui. Oh, je regrette, mais moi... Oui, mais je vous explique. Non, mais je ne veux rien savoir, je vous le répète. C'est sans doute des histoires de famille. Mais enfin... Non, ça ne m'intéresse pas. Si monsieur Vivoli n'est pas à l'hôtel... Ah non, pardon, mademoiselle. Cela vous intéresse, au contraire. Moi? Oui, vous. Oh, pas par votre faute. Nous en étions tellement sûrs que nous nous étions proposés, sa mère et moi, d'aller chez vous. Chez moi? La mère? Oui, de Tchétché. Elle serait venue chez moi? Oui, pour nous remettre entre vos mains, mademoiselle. Quelle est cette plaisanterie? Je connais M. Vivoli depuis une 20aine de jours seulement. Je suis venue ici parce que lui-même... Oh, mais par pitié, ne continuez pas. Nous en sommes tout à fait convaincus, je vous le répète. Et c'est bien pour cela que nous voulions aller chez vous. Mais vous parlez sérieusement? Sa mère et vous, chez moi? Mais oui, je vous le dis, mademoiselle, parce que nous savons que vous avez été par lui indignement traité. Je voudrais l'accabler davantage, mais... Aidez-moi, oui, enfin, trompé sans scrupule par cette canaille, ce voyou, ce Cagliostro, non, laissez-moi dire la vérité, par ce tripoteur, ce faussaire, ce coureur, enfin, ce faussaire, ce voleur, cet homme. Et c'est votre ami? Oui, mademoiselle, je suis un ami de sa famille, enfin, de son père, qui est la crème des hommes et le plus honnête homme que Dieu ait mis sur terre. Mademoiselle, nous avons su de son propre aveu... L'aveu de Tchétché? Précisément, mademoiselle, de Tchétché. Et quoi donc? Que... dans un moment critique comme celui-ci, le moindre geste, enfin, le moindre souffle peut déterminer la plus épouvantable catastrophe. Oh, par pitié. Que dites-vous? Mais je dis par pitié, ah, vous avez une façon de parler, si vous voyez. Je parle mal, hein. Oh, ben, qu'est-ce que vous voulez, je m'agite trop, n'est-ce pas? Ah oui, c'est ça, vous vous agitez trop et... Ben... Oh mon Dieu, on ne peut pas vous voir si agité, parlez plus calmement. Bon, j'essaierai, mais enfin, excusez-moi, je suis dans mon rôle d'ami. C'est l'heure, comme je vous le disais, de la faillite non seulement d'une maison, mais de l'honneur d'un pauvre vieillard assassiné par la conduite infâme et la scélératesse d'un fils. Je vous en prie, calmez-vous. Voilà, je me calme, mademoiselle. Dans un moment aussi délicat, je vous disais que ce garçon s'expose à signer, enfin, à faire circuler. Enfin, en fait, je veux dire, enfin, vous le savez bien, c'est vrai qu'il vous en a donné trois. Chacun de 2000, n'est-ce pas? C'est un scandale. Ah, c'est un scandale, vous l'avez dit. J'en suis écœuré. Et Dieu seul pourrait dire ce que je suis en train de souffrir en vous parlant de toutes ces inquiétudes au bord de la faillite. Ah, c'est, je vous prie. Vous êtes grotesque. Grotesque. Alors, ben, je m'en doute. Et voyez, je suis à grosses gouttes, mademoiselle. Oh, oui, oh, ça, je vous crois bien pour jouer un rôle pareil. Alors, mettez-vous, je vous en prie. Mais... Essuyez-vous, monsieur. Mais... Je m'en vais. Mais, non, par pitié, ne partez pas. Non, écoutez-moi, je vous en conjure, mademoiselle, je ne peux pas vous laisser partir. Mais que voulez-vous de moi? Pareille aventure ne m'est jamais arrivée. Oh, je m'en doute. Et croyez que je comprends et que j'approuve votre indignation. Mais ne partez pas, écoutez-moi. Je voudrais qu'elle fût déjà là. Je me demande où elle a bien pu aller. Oh, la brave femme. Je dis sa mère, mademoiselle. Oh, encore la mère. Ben, pour vous prier avec moi. Mais vraiment, vous n'avez pas honte? Oh oui, mademoiselle, j'ai un peu honte. Il faut que je vous expose la situation. Ces trois chèques. Encore? Mais nous n'en avons pas parlé. Mais vous ne comprenez donc pas que si j'étais prête en venant ici à les lui jeter au visage, maintenant qu'il m'a fait l'affront de m'en parler par un tiers, moi, je les garde là. Oh. Et je fais un esclave. Oh, non. Non. Croyez bien, mademoiselle, que si vous aviez en main une arme quelconque qui pourrait le frapper lui seul et le détruire, lui seul l'anéantir, lui, son père et même sa mère, nous vous crierions, mais oui, mais frappez, détruisez, anéantissez ce misérable, cet avorton, ce rebut de l'humanité, mais vous n'avez aucune arme contre lui, vous n'avez que trois bouts de papier sans aucune valeur. Ils sont signés de lui? Et que voulez-vous que vaille sa signature? Zéro. Quel scandale voulez-vous faire? Il a toujours vécu au milieu des scandales. Bon, ça ne le gêne pas. Tchétché? Oh, non, oui. Enfin, oui, Tchétché. Et puisqu'il est de la meilleure société, qu'il y vit. Oh, mais il en est le bouffon, mademoiselle. Il se glisse, il se faufile partout. Il rend à chacun les plus louches services. Tchétché? Mais oui, Tchétché. Je suis bien sûr que vous ne savez pas, mademoiselle, de quoi cet homme peut être capable. Mais je vous dis qu'il a traîné dans la boue son père, sa mère, l'honneur de sa famille. Et l'arme que vous avez dans votre petit sac se retournerait contre ces deux pauvres vieux déjà à terre. Tous deux punis, méprisés par tous. Et pourtant, si je savais que cette arme puisse vous procurer quelque avantage matériel, je vous dirais, madame, mademoiselle, frappez sans égard aux deux pauvres vieux. Mais non, ce serait une barbarie inutile. Le peu qui reste à la famille est compromis déjà depuis longtemps par des hypothèques presque toutes à découvert. Oh oui, à découvert, mademoiselle. On a, grâce à moi, essayé de conclure un accord entre les créanciers, mais un accord si dénué de confiance qu'un souffle peut le jeter bas comme un château de cartes. Il suffirait de la moindre protestation pour un nouveau chèque mis en circulation et l'écroulement serait inévitable. Un pauvre vieux, une pauvre vieille mère en serait écrasé. Et non pas lui, oh. S'il ne s'agissait que de lui, que lui importe à lui l'honneur de son vieux père, car il continue à signer des chèques. Voyez, mademoiselle, moi je suis l'ami du frère de ce pauvre vieux. Et pour ces morceaux de papier que vous avez en main et qui ne représentent rien, qui sont une arme inutile contre lui, mais qui peut, hélas, frapper ceux qui ne sont nullement coupables, de ces trois morceaux de papier dont vous ne pourriez tirer aucun avantage, ni matériel, ni moral, mais je serai prêt, mademoiselle. C'est un marché? Mais non, mademoiselle, ce n'est pas un marché. Je m'en remets à vous, à votre générosité. De la générosité? Pour une pareille impudence? Vous voulez que je sois généreuse? Mais pas pour lui. Et que m'importe les autres? Mais pour cela, justement, voyez, je me permets de vous offrir... Un peu d'argent pour ma générosité? Combien? Un millier de lire? Non, enfin, je m'en rapporte. Cher monsieur, vous vous trompez. Vous croyez avoir à bon compte un sentiment comme la générosité d'une femme comme moi? Mais au contraire, j'ai entendu dire que... Nous sommes généreuses. Mais pas de cette manière, pas pour ça. Par amour, oui, peut-être. Mais non pas pour quelqu'un qui envoie un tiers nous prévenir au nom de ses parents, qui mélange à ses micmacs sa mère, son père et l'honneur de sa famille. Voilà qui est odieux. Que voulez-vous que m'importe toute l'histoire que vous m'avez racontée? Je n'éprouve en ce moment que du dégoût, une telle rage que si, au lieu de vous avoir devant moi, je tenais ce malotru. Vous le tueriez. Moi aussi, je le tuerais, mademoiselle. Vous me faites rire. Oh oui, oh, riez de moi tant que vous voudrez, je ne vous en veux pas. Croyez que je suis humilié d'avoir... Mais il me semble que vous avez eu beaucoup de courage pour tenter cela. Mais forcément, je me suis trouvé dans ce grabouillis. Aidez-moi à en sortir, mademoiselle, je vous prie, j'ai si peu l'habitude. Je vois ça. Vous voulez l'échec? Si vous voulez bien. Et vous dites qu'ils ne valent rien? Oh, rien. Oh, je peux vraiment vous le jurer, mademoiselle. Il fallait le dire tout de suite. Mais je vous l'ai dit, mademoiselle. Il ne fallait rien dire à côté, ça suffisait. Et vous pouviez ajouter qu'en les protestant, je ferais rire à mes dépens, mes amis à qui j'apprendrai en même temps que j'ai eu la naïveté de lui accorder ma confiance. Bah... Voilà ce qu'il fallait me dire au lieu de faire appel à ma générosité. Moi, je ne peux pas être généreuse et je dois me venger. Soyez sûre que je trouverai une vengeance et elle sera féroce. Cet affront qu'il m'a fait, cette nausée qu'il m'a donnée, il paiera tout ça, ça je vous le certifie. Oh. Merci. Non, ne me remercie pas. Ah ben non. Non, mais enfin, permettez-moi. Ah. Accordez-moi quelques billets. Enfin, non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Bon, mais laissez-moi faire, s'il vous plaît. Je ne sais si j'ai tort ou raison. Je ne veux pas, je vous dis. Reprenez votre argent. Mais je vous en prie, mademoiselle, acceptez pour moi. Enfin, laissez-moi faire au moins le peu que je puis faire. Combien avez-vous mis sur la table? 1500 lire, mademoiselle. 1500? Oui, j'avoue, vous trouvez que c'est peu. Vous voyez cette facture? Pardon. Chapeau à calotte plate avec grand paradis blanc naturel. Le lire, 1650. Ah, 1000, c'est battu. Ah oui, tout de suite. Bien volontiers, madame. Pardon. Voilà. Excusez-moi, merci, mademoiselle, de tout cœur pour moi aussi. Oh, ça suffit, je vous prie. Vous avez raison, je me sauve pour annoncer votre geste généreux. Voilà, je n'ajoute rien. Voilà. Vous permettez, par mes hommages, par... Ah, il me paiera ça. Quel lâche! Quel lâche! Attends, tiens. Ma belle petite Nada. Ah, c'est toi. Comment oses-tu te présenter devant moi? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu es le toupet. Je te demande pardon de t'avoir fait attendre si longtemps. Je pensais pas arriver si tard, mais enfin, je suis là. Prends toujours ça. Oh, c'est un peu trop fort. Tu m'as fait mal. Mais pourquoi? Pourquoi? Tu as le courage de me demander pourquoi? Je t'ai demandé pardon. Après tout, tu n'as pas attendu plus d'une demi-heure. Ah, c'est pour ça. Mais quoi d'autre? Qu'y a-t-il? Tu étais chez ta mère? Chez ma mère? Oui, chez ta mère qui devait venir me prier et me conjurer d'avoir pitié. Ma mère? Que dis-tu là? Tu es folle? Ah, je suis folle. Forban! Mais quelle mère? Que vient faire ici ma mère? Forban! Je sais bien qu'elle n'a rien à faire dans tout ça, ta mère. Tu crois donc que j'y ai cru? Mais cru à quoi? Enfin, tu es devenue complètement folle, subitement. Qu'est-ce qui t'arrive? La faillite, la ruine, le déshonneur, tout sans dessus dessous à cause de tes méfaits. Un pauvre père dont tu as souillé les vénérables cheveux blancs. Une pauvre mère, forban et imbécile. Tu n'as pas honte? Mais tu dis vague. Je te prie d'expliquer, je ne comprends rien. Ah non, vraiment, tu ne comprends rien. Ah non. Que veux-tu que je comprenne? Je te vois furieuse. Je croyais que c'était à cause de mon retard, mais maintenant... Mais est-ce croyable, une tête pareille, qu'une bombe ne ferait pas bouger? Mais comment, mais cet homme, à l'œil bouché? À l'œil bouché? Que j'ai trouvé ici, à ta place. Ah bah, un homme à l'œil bouché? Un ami de ton père. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu es vraiment folle? Tu as rêvé? Je n'ai pas de père, pas de mère, qu'est-ce que tu racontes? Comment tu veux sérieusement me rendre folle, non? Prends garde, si c'est une plaisanterie... Quelle plaisanterie? Je te dis que je n'y comprends rien, explique-toi. Qui as-tu trouvé ici à ma place? Un homme avec un œil bouché? Comment? Bouché, muré, hein? Comme ça. Tu l'as trouvé ici? Et comment? Ah, mais est-ce que je sais, moi? Il était là. J'ai téléphoné, on m'a invité à monter. Moi, je croyais te trouver ici, c'est lui que j'ai trouvé. Et qui est-ce qui l'avait fait monter? Tu me le demandes. Ah, avec un œil bouché! Oh, Dieu, ici. Mais parle vite, mais qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'il attendait ta mère pour venir chez moi avec elle me prier. Ma mère, et tu y as cru? Je te dis que non! Te prier de faire quoi? De rendre les trois chèques. Et toi? Comment, moi? Tu les lui as rendus? Il s'est mis à me parler de la ruine de ta maison. Ah! La canaille! Tiens, la canaille! Et puis? Que ton père était au bord de la faillite. Mon père était... Le filou! Qu'il suffirait d'un rien, d'un souffle, pour que s'écroule tout l'échafaudage d'accord et de prudence que sa diplomatie venait d'établir entre les créanciers. Lui! Assassin! Voleur! Mais avec une telle fureur qu'il me semblait de... Dieu, quelle horreur! Que l'autre œil allait gicler de sa figure et tomber sur moi. Bah, Mais réponds-moi, tu lui as donné l'échec? Ah bah, il m'a tellement dit et démontré qu'il ne valait rien. Et tu les lui as donné, malheureuse, mais tu m'as ruiné! Ruiné! Ouais! Je suis ruiné. Ah bah ça, alors c'est le comble. Ruiné, tu sais qui est cet homme? C'est le plus féroce usurier qui existe au monde, une sangsue, un vampire. Celui-là? Oui, celui-là, comment diable as-tu pu le croire? Mais je n'ai pas cru. Oui, et pourtant... Mais j'ai cru que tu l'avais envoyé. Moi? Pour avoir tes chèques. Moi, pauvre. Mais puisque je t'avais écrit de me les rapporter ici, je voulais te les échanger, les retirer de la circulation, te donner de l'argent. Comment as-tu osé les lui donner? C'est un assassinat, il m'a ruiné. Qu'est-ce que je sais, moi? Comment savoir qui il était? Celui-là. Il est tout embarrassé, là, il suppliait, il suait. C'est ça, oui, oh, mais c'est qu'il sait admirablement faire l'idiot, pardi. Il n'y a pas de rôle qu'il ne sache tenir, usurier, entremetteur, tyran, esclave, âne, porc, serpent, hyène, tigre et lapin. Ah, tu l'as cru et tu es tombé dans le piège qu'il t'a tendu. Mais maintenant, c'est à moi qu'il va sucer la moelle des os. Il n'avait jamais pu avoir en main un morceau de papier pour se venger. Depuis des années, il me guettait. À l'affût de tout. Parce que je lui ai arraché ses griffes plus d'une fois, tu comprends? Je l'ai bafoué publiquement. Mais comment a-t-il eu vent d'échecs? Comment a-t-il pu savoir que tu devais venir ici me les rendre? Dis-moi la vérité, tu en as parlé à quelqu'un? Il m'a dit qu'il l'avait appris de toi-même. De moi-même? Ça te paraît possible? De moi-même? Tu as dû en parler avec quelque ami. Ah non, non vraiment. Oh, peut-être je fais une allusion. Avec qui? Je ne me souviens pas. Avec un de tes amis. Ah, ouais, que veux-tu? Il y a des espions partout. Et peut-être... Mais pardi, mais c'est lui qui m'a envoyé ce matin cet emmerdeur, qui m'a retenu si longtemps et m'a fait venir ici avec une demi-heure de retard. Il lui fallait bien ce temps-là pour venir ici te surprendre. C'est un assassinat! C'est un... Mais qu'est-ce que je dois prendre? Qu'est-ce que je dois faire? 3 chèques, 100%. Il me fera payer du 100% sur ces 6 000. Si toutefois... Mais comment tu les lui as donné comme ça? Pour rien, 3 chèques signés de moi? Non! Non, il m'a donné quelques centaines de livres. Ah, quelques centaines de... Combien? 1 000. 1 000. 1 650. L'usurier. 1 650 contre 6 000 sur lequel il va me demander du 100%. Il voulait m'en donner un peu moins. Ah oui, yeah, oui, la même marchande. Non, à vrai dire, dès que je lui ai montré la note de la modiste... Ah, la note pour quel chapeau? Celui que tu portes? Mais il me semblait que je te l'avais offert. Bon, ça ne fait rien, on a toujours la note. Oui, je comprends. Oui, 1 650, c'est-à-dire que ce chapeau, c'est moi qui le paierai 2 fois. Il les ajoutera aux intérêts. Non, écoute, au moins... Écoute-moi, prends. Mais voyons, tu plaisantes? Je t'en prie. Tu es folle? Fais-moi ce plaisir. Fais-moi, tu parles sérieusement? Je suis désolé pour toi de tous ces tracas, mais tu ne l'as pas volé. Avoir cru à toutes les infamies qu'il a dû te dire contre moi, mais qu'est-ce qu'il a bien pu te dire? Mon cher! Oh, mais ils sont sans échéance fixe. Il peut me les protester quand il voudra. Mais il ne le fera pas, il n'est pas fou. Il me tiendra sous la menace pour m'imposer les intérêts qu'il voudra et il me sucera le sang comme il a fait à tant d'autres. Oh, pauvre Tchétché. Oh, pauvre Tchétché. Viens près de moi. Laisse-moi, tu m'as ruiné. Je te récompenserai, mon Tchétché. Ah, ma chérie, je crois bien que tu me récompenseras avec usure. 100% comme lui. Même plus. Mais la rage qui me prend d'être tombé entre ces sales mains-là! Je te ferai passer la rage aussi, non, ne dis rien. Assieds-toi près de moi. Voilà. La revanche commence. Alors tout de suite un baiser, là. Le voilà. Dis un peu. Il a dit beaucoup de choses contre moi, cette fripouille. Des tas. Alors pour chaque injure, un baiser. Hein? Et où je toucherai? Alors commençons. Qu'a-t-il dit? Canaille. Canaille. Canaille. Tout de suite un baiser, là. Et après, continue. Attends. Monstre. Monstre. De la nature. Monstre de la nature. Ah, monstre de la nature. Allez, viens vite, je te prie. Laisse-moi quitter mon chapeau. Non, 1650 lire et le reste, et nada, viens. Me voici. Ainsi, monstre de la nature. Cette fois, là, ma chérie. Thank you.